démarre mal pour remettre les pendules à l'heure, donc je réponds présent. S'attaque sévère, s'attaque pour le IDF, sort de point, je réponds présent. On vient faire une mise au point, sonner l'alarme parce qu'on est là présent. Le rap on vise, on n'est pas loin, vocal sur nos armes, est-ce qu'on est là présent? Il y a 3 ans, on était présent au passé, et à présent, on est encore présent. Qu'est-ce qui s'est passé, mec? On nous a pas réinvité, mais on répond quand même présent. Ton micro est criblé de balles, c'est que c'est de la balle et qu'on est là présent. 24 morceaux, non 24 bombes, mettez les charges, alors est-ce qu'on est là présent? Présent, micro de tempête, voilà le futur du rap français. Je suis pas là pour reculer ou stagner, mais avancer. J'aiguise ma plume, car des petites putes parlent, font du blabla, mais n'ont jamais écrit de cesse pour la plupart. Plus je parle, plus je réponds présent. C'est comme ça que ça se passe, déconne pas, j'accasse pas comme une petite poufiasse, moi. J'ai l'ambition de mes opinions et je m'exprime. Tu m'estimes pas, je m'en tape. Moi, je t'ai jamais demandé que t'aimes mon style, mais qu'est-ce que tu veux? Du style hostile, commercial, bestial sur le beat, redescend vite de ton pied d'estal petit. Je veux pas remplir des salles avec des gamins de 12 ans. Mon rap est conscient, moi je réponds présent. Je rappe encore parce que des gens nous écoutent. Je rappe parce que le rap que je vois dans ma télé me dégoûte. Marre de leur spectacle visuel permanent. Je vais pas tourner mes clips aux States, mais moi je réponds présent. J'écris des pages et des pages. Si je te plais pas, dégage, tu sens ma rage alors que je veux que tu vois le message. Mais sache qu'on accepte les critiques constructives. Leur vapeur toxique sur mon cerveau n'ont pas d'emprise, mon empire prend son envol. Taillez mon rap, il me renforce, ne renfloue pas mes caisses. Mais dans le fond, je sais qu'il vous rend folle, ne racole pas les maisons de disques. Mais reste réactif, car dans ce monde triste, il est le seul créatif. Ça démarre mal pour remettre les pendules à l'heure, donc je réponds présent. S'attaque sévère, s'attaque pour le IDF, sort de point, je réponds présent. On vient faire une mise au point, sonner l'alarme parce qu'on est là présent. Le rap on vise, on n'est pas loin, vocal sur nos armes, est-ce qu'on est là présent? Il y a 3 ans, on était présent au passé, et à présent, on est encore présent. Qu'est-ce qui s'est passé, mec? On nous a pas réinvité, mais on répond quand même présent. Ton micro est criblé de balles, c'est que c'est de la balle et qu'on est là présent. 24 morceaux, non 24 bombes à télécharger, alors est-ce qu'on est là présent? J'ai mis presque 3 ans pour arriver à poser le premier album, phénomène. Voilà le deuxième, tu kiffes mon univers, viens, viens, on t'emmène. Depuis le temps, on reste des amateurs, arrivés à maturité. On s'est fait des potes et beaucoup d'opposants, mais on va pas s'arrêter. Parce que ça parle vite sur le net, on a reçu les critiques d'un navet. Mais je vais pas me taire et me cacher parce que les commentaires sont mauvais. On est toujours là pour ceux qui nous aident, la famille et nos potes. Mais face au timeline, c'est renforcé. Je viens renfoncer vos portes. On prend pas le micro sur ce morceau pour éveiller ceux qui baillent. Si Asters, on est là pour braquer tous ceux qui taillent. Non, c'est pas un clash, je viens pas faire monter la température. Je réponds juste mec à ces mecs qui nous classifient et qualifient de raclure. Je rappe toujours mes textes et mes ratures. Je rappe toujours aussi vite, cours vite, car chaque mot qui sort est une pierre avec laquelle je te lapide. Après, je dis j'accepte si tu me dis que sur mon album y'a rien qui te plaît. Mais viens pas tailler mes production, c'est incapable de faire ce qu'on fait. On nous dit qu'on fout en lien avec phénomène l'album de démo. Mais je donne pas des blasts pour du buzz, moi je relève que des mots. Donc je continue dans mes phrases et mon flow, je rappe, j'ai plus besoin de respirer. The bitch, ni Harvey ni Roland, mais tu peux pas empêcher d'exister. Je viens pour vous provoquer, oui, c'est ça. Je viens aussi pour tout niquer, bah oui, c'est ça. C'est calé bout à bout en direct de ma chambre ou de ma cave. C'est mon son dans vos oreilles, ce coup-ci c'est ceux qui taillent qui vont sur table. Ça démarre mal pour remettre les pendules à l'heure, donc je réponds présent. S'attaque sévère, s'attaque pour le IDF, sort de point, je réponds présent. On vient faire une mise au point, sonner l'alarme. Parce qu'on est là présent. Le rap on vise, on n'est pas loin, vocal sur nos armes, est-ce qu'on est là présent? Il y a 3 ans, on était présent au passé, et à présent, on est encore présent. Qu'est-ce qui s'est passé, mec? On nous a pas réinvité, mais on répond quand même présent. Ton micro est criblé de balles, c'est que c'est de la balle et qu'on est là présent. 24 morceaux, non 24 bombes à télécharger, alors est-ce qu'on est là présent?